Sur cette route étroite, à forte déclivité, je vais croiser un véhicule qui monte. Le croisement avec cette voiture risque d'être difficile. Je vais donc devoir lui faciliter le passage et, si nécessaire, m'arrêter. Réponse A.